Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Mina khanu sin dopo so iwo dopo. Ode, owe, aton, ene, aton, aizen, tenwe, taton, tenne, wo, wo dopo. Ode, owe, aton, ene, aton, aizen, tenwe, taton, tenne, wo, wo dopo. Ode, owe, aton, ene, aton, aizen, tenwe, taton, tenne, wo, wo dopo. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Mina kha azan de lo sin vla do po mele. Teni gbe. Talata gbe. Azan ga gbe. Nyonu zan gbe. Akhosu zan gbe. Sibi gbe. Vodun gbe. Teni gbe. Talata gbe. Azan ga gbe. Nyonu zan gbe. Akhosu zan gbe. Sibi gbe. Vodun gbe. Teni gbe. Talata gbe. Azan ga gbe. Nyonu zan gbe. Akhosu zan gbe. Sibi gbe. Vodun gbe. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Ina khasunde do kwe do po mele. Alonson, Zofin Plosson, Kwejison, Lidoson, Nunhwason, Aidoson, Liyason, Avivoson, Zoson, Konyason, Abohwison, Woson, Alonson, Zofin Plosson, Kwejison, Lidoson, Nunhwason, Aidoson, Liyason, Avivoson, Zoson, Konyason, Abohwison, Woson, Alonson, Zofin Plosson, Kwejison, Lidoson, Nunhwason, Aidoson, Liyason, Avivoson, Zoson, Konyason, Abohwison, Woson.